Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 74. J'espère que vous allez bien. Hey, ça fait longtemps! Ça fait combien de temps? Je vais essayer de voir ici dans mes épisodes de podcast, là, librairie. C'est pas important. Je sais que ça fait plusieurs semaines et puis là j'étais en train d'écrire un genre de post Facebook dans lequel j'allais expliquer pourquoi j'ai pas vraiment eu le temps d'enregistrer dernièrement. Et puis finalement ça semble calme dans la maison. Fait que mon plus jeune est en haut quand il écrit une histoire à l'ordinateur. Alors, j'ai un peu de temps, fait que je vais tenter de résumer un peu ma situation présentement. Je vais y aller chronologiquement, dans le fond. Tout de suite, vous avez vu, il y a 3 semaines à peu près, Retro MTL a acheté un inventaire de 9000 jeux. Donc, j'ai fait un live sur la page Facebook de Retro MTL pour montrer ça. Et puis, c'est la bonne caméra, là? Ouais, OK. Pour présenter ça. Et puis, dans le fond, en gros, pour expliquer l'histoire, c'est la compagnie Game Access, qui était une compagnie de location de jeux vidéo par la poste. Donc, ce que Netflix faisait à leur tout début avec les films, apparemment, Game Access, ils ont pris ce concept-là puis ils l'ont fait pour les jeux vidéo. Donc, c'est un... ils étaient en business depuis longtemps. Ils ont commencé avec la génération Wii, Xbox OG puis PlayStation 2 jusqu'à la présente génération. En fait, pas PS5, mais celle d'avant, PS4. Et puis, c'est ça. Donc, la personne a communiqué avec nous. Et puis, cette personne-là est un entrepreneur qui a deux autres compagnies. Game Access, c'était sa première compagnie. Puis, la compagnie qui a permis qui lui a permis d'ouvrir deux autres compagnies, en fait. Mais là, Game Access perdait de l'argent depuis 3 ans. Des affaires comme Game Pass et tout ça ont pas mal nui, bien sûr, à son modèle d'affaires. Fait que ils ont fermé ça, puis il y avait un inventaire à vendre. Fait qu'ils ont communiqué avec nous, et puis on a checké ça, on a discuté, on est allé voir, on est revenu, on s'est concerté, on a refait une offre, et puis finalement, il l'a accepté. Il y avait deux autres concurrents dans le deal là-dedans, et puis finalement, c'est nous qui l'avons eu. Alors, très, très, très content. Ben là, fallait louer un truck, fallait aller là-bas. C'est énormément de stock. Là, c'est facile d'aller. Ben, facile. Faut aller le chercher au rez-de-chaussée, là-bas, dans Ville-Mont-Royal, tu sais. Mais après ça, faut l'amener à notre QG, qui est au deuxième étage. Faut parquer le truck dans la ruelle. Fallait se faire une chaîne humaine pour monter toutes ces boîtes-là en haut. On avait un bureau de libre qu'on voulait setuper pour faire des enregistrements de rétro nouveau, du streaming, faire un studio, tu sais, dans les studios de Retro MTL. Pour toute forme d'enregistrement et tout ça. Mais finalement, il a fallu qu'on mette tout ça là-dedans. Là, t'sais. Fait que finalement, ça, c'est plein de boîtes PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Et puis, il va falloir qu'on passe au travers de ça. Fait que ça, c'est une chose au niveau de l'acquisition de jeux pour Retro MTL. Deuxième chose, il y a une personne avec qui on fait affaire depuis quelques semaines et qui est une personne qui avait massivement des jeux vidéo et des consoles chez eux, et puis on lui rachète tout ce qu'il y a, mais il y en a tellement que comme on fragmente ça en plusieurs parties. Fait qu'on a acheté il y a plusieurs semaines un beau chunk, et puis là dans le fond on brise tout le reste en morceaux, puis il vient nous porter ça, puis on évolue, puis on paye, puis tatata. Fait que parce que trop, c'est trop d'un coup là, tu sais. Fait que au total, ça fait beaucoup d'argent, ça aussi, je vais vous dire. Et puis, ça fait beaucoup de faut price charter tout ça, ces jeux-là. Puis là, il reste encore 300-400 consoles chez eux qu'on va y acheter. Fait que c'est ça. Donc, on le montre même pas. Ça. Souvent, quand on fait des acquisitions de lots à Retro MTL, on le montre sur la page Facebook, tu sais, parce qu'on aime montrer là, qu'on achète des affaires, qu'on a du stock. Mais là, on le fait même pas parce qu'on n'a même pas le temps. Puis de toute façon, ça fait juste se perdre au travers du lot de 9000 jeux qu'on vient d'acheter, là, tu sais. Fait que ça donne pratiquement rien. Mais lui, c'est de tout, tu sais, de Atari jusqu'à PS4, là, tu sais. Fait que c'est très, très, très varié, c'est des tonnes d'affaires. Fait qu'on est là-dessus au bout, au bout. Fait que là, on est submergé. Là, on a des jeux comme on n'en a jamais eu, vraiment, là. C'est beaucoup, beaucoup de process à faire, là, tu sais, parce que les 9000 jeux... Il y en a beaucoup qui sont pas dans leur boîtier, fait qu'il faut mettre les disques dans les boîtiers, les cartouches dans les boîtiers, et puis il faut enlever les petits collants sur chaque disque et tout, donc ça prend du temps, c'est de la manutention de faire ça, tu sais. Il y en a qu'il faut resurfacer, dans l'autre lot, c'est des affaires à resurfacer aussi, tu sais, fait que c'est un long processus, là, tu sais. Tout ce qui est beau et qui est prêt à mettre en inventaire, tout de suite, si on le met de côté pour nos gars de web, et puis, comme ça, au moins, ça, c'est on l'a plus dans les jambes, tu sais, à nous autres à processer. Fait que c'est ça. Fait que là, on a engagé aussi deux autres employés, dont une commis, dans le fond, qui va travailler la fin de semaine. Et puis que là, on fait rentrer en semaine au QG. On fait rentrer deux autres filles aussi qu'on a la fin de semaine en semaine au QG. On réouvre le soir parce que là, il n'y aura plus de couvre-feu. Donc, tout ça est en processus. Puis c'est le deuxième anniversaire aussi de Retro NTL. Donc, c'était mardi le 25. Là, on est mercredi le 26. Ouais, c'était hier. Alors, c'était la fin du concours Game Boy. On a fait tirer un Game Boy à l'effigie de Retro NTL avec un bel écran là, rétro-éclairé. Tout ça vient de chez Retro Modding. Donc, très beau concours. Le Game Boy est parti. Là, il reste quelque chose qu'on va annoncer vendredi matin. Donc, vous checkerez ça. Ça va être un autre événement par rapport à notre deuxième anniversaire. Fait que ça, c'est fait. Et puis là, c'est ça là. Vous voyez, je suis chez nous là, présentement. Il y a eu de la COVID dans la chambre. Dans la classe de mon plus jeune. Alors, c'était pas lui, c'est quelqu'un d'autre, mais quand il y a de la COVID dans une classe d'élèves, tout le monde retourne à la maison pour deux semaines, il faut faire tester, Fait que mon fils est négatif, mais tu sais, on n'a pas le droit d'aller au parc, on n'a pas le droit, tu sais, il faut qu'il reste dans la maison. Mais là, on a triché un peu, là, tu sais, on est allé à des places là, où est-ce qu'il y avait personne, là, quand même, on va sortir d'ici, là. Un enfant de 8 ans dans la maison pendant deux semaines, là, moi je... pas d'accord avec ça, là, tu sais. Bon, vous direz, je suis pas un médecin scientifique, pandémiologue, name it, je m'en fous, mais si ton enfant est négatif, tu sais, oui, il peut être porteur, mais tu sais, à un moment donné, là, ça a pas de sens, là, tu sais. Il est négatif, là, après 3-4 jours, là, on peut-tu aller dehors, là, tu sais, lui, là, dans la maison, là, qu'est-ce qu'il fait, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait, tu sais, oui, il s'organise, là, mais... Et puis mon fils, il est bien calme, bien autonome, là, puis je suis sûr qu'il y a des enfants qui ont vraiment du gaz à brûler mille fois plus, tu sais, que ça doit être terrible, là, tu sais, dans la maison. Fait que ça, c'est vraiment pas évident, là, sérieux. Fait que il a fallu que je prenne mon ordi, que je ramène à la maison, ici, dans ma game room, dans mon sous-sol. Au moins, je suis proche de mes jeux, pour une fois. Hein? Bon, c'est pas la plus belle image sur Terre, mais bon. Voilà. Fait que je travaille de la maison, ou sinon je travaille du QG, Retro MTL, ou en boutique aussi. Fait que je fais les deux places, tu sais. Puis moi, j'enregistre mon podcast devant, dans mon ordinateur. Ben, avant, j'enregistrais avec mon téléphone, mais là, les fichiers sont tellement lourds, j'arrive pas à les sortir de mon téléphone, puis à les mettre sur Dropbox ou à les feeder à mon ordi pour faire le montage, tu sais, c'est vraiment un paquet de troubles. Fait que c'est pour ça que j'enregistre sur mon ordi depuis maintenant un bon bout de temps. Mais là, mon ordi, bien sûr, il est exposé à tout le monde, fait que j'ai pas d'intimité. Là, j'en ai un petit peu, c'est pour ça que j'enregistre présentement. Mais tu sais, le soir, mon fils, mon plus vieux, il est assis direct là sur le sofa, tu sais, puis tout le monde m'entend dans la maison, j'ai pas d'intimité, tu sais. J'aurais pu aller l'enregistrer chez Retro MTL si mon ordi avait été là-bas, mais le couvre-feu m'empêche, tu sais, il faut que je revienne avant. Fait que là, c'est comme un bordel. Fait que là, aujourd'hui, ça fait deux semaines, aujourd'hui prenait fin le confinement de mon plus jeune, mais là, c'est la grève des profs qui commence. En fait, il y a une journée la semaine passée, on ne l'a pas senti, on était confinés, mais là, il y a deux jours, mercredi, jeudi, de grève de profs. Il m'a retourné à l'école vendredi. Ah! Prendre une gorgée de café. Si vous suivez mes aventures caféine, j'ai d'ailleurs slacké le café. Je n'en prends plus l'après-midi, juste le matin. Puis le matin, j'en prends un peu moins aussi. Fait que ça, je suis content. Ça fait depuis le breakdown que j'ai eu il y a un mois à peu près, je dirais, je pense que je l'ai parlé dans mon épisode précédent, j'ai complètement cessé les cafés d'après-midi. Et puis, je pense que ça aide, là. C'est pas trop dur, là, tu sais. Je bois de l'eau, je mange des pommes. Beaucoup de pommes, bien sûr, très important. Et puis, je réussis à m'en sortir, mais le matin, entre autres le matin qu'on est allé chercher les 9000 jeux, voyons, je vais mourir. Excusez, j'ai pas eu le temps de prendre mon café. Et puis, là, je l'ai senti, là. Tu sais, rendu à 10h30 quand on avait fini de vider le truck, là, puis j'allais le reporter, puis que j'allais chercher le char et tout, là, j'étais comme un junkie, là, tu sais, j'avais mal à la tête, là, j'étais fatigué, je pensais juste à essayer de trouver le premier poste à gaz pour aller me chercher, ou le couche-tard pour aller me pogner un café, fait que, puis j'ai eu mal à la tête le restant de la journée, là, ça m'a vraiment rentré dedans, fait que je pense pas que je suis prêt à arrêter le café le matin, puis c'est bien correct aussi, là, je suis pas... C'est pas si pire que ça. Là. Mais mon père, il boit genre 6 cafés, 8 cafés par jour depuis 50 ans. Puis il fume, puis ça va très bien. Fait que moi, j'ai pas le body pour ça, apparemment. Mais j'ai arrêté le café l'après-midi, donc ben content. Mais j'en ai besoin le matin. Fait que c'est ça. Donc, je suis à la maison, puis là, j'ai des choses à faire aussi, bien sûr. Là, on parle de Retro NTL. J'ai des mandats de graphiste. Au travers. Là, tout ce que je vous raconte, c'est toute une salade là, de choses à faire, là, mélangées là, au cours des 3 dernières semaines. T'sais. J'ai des mandats de graphisme que je dois faire présentement. Donc, 2 clients corpo, dans le fond, qui m'ont repoqué. Ça faisait un bout, j'avais pas eu de nouvelles. Fait que là, ils m'ont demandé des petites choses. Tribute aussi, je fais du travail pour le jeu Steel Assault qu'ils vont publier. Pas développé, mais publié. Donc, il est développé par un autre studio. Eux, ils le publient. Et puis, je travaille là, sur le visuel, là, dans le fond, pour les assets, pour le Nintendo Store, Steam. Donc, quand vous allez voir ça, c'est moi qui vais avoir fait ça. j'ai pas fait le dessin, mais j'ai fait la mise en forme là, de toutes ces affaires-là. C'est bien le fun, puis je remercie beaucoup Tribute de me permettre de travailler sur leur dossier. C'est tout le temps... un honneur. Vais-je travailler sur les Turtles? Je pense pas. J'imagine que Nickelodeon puis tout ça, ils ont déjà, tu sais, comme. Chez Dotemu, ils ont toutes leurs kits puis tout ça, mais Steel Assault, j'ai vraiment hâte d'essayer ça aussi. Là. Ça a l'air vraiment bien. Vraiment, vraiment. Donc, beaucoup de plaisir avec ça. Fait que tu vois, ça, je fais ça le matin aussi. Moi je batte les affaires qui sont pas Retro MTL le matin. T'sais, mes contrats. Mon podcast, les affaires Rétro Nouveau, tout, tu sais, puis quand j'arrête à 10h ou whatever, là, je m'en vais dans une autre section du QG, normalement, nettoyer des jeux, qu'est-ce qu'on fait, ok, régler des dossiers, fait que c'est ça. Et puis, présentement, à l'heure où on se parle, dans la cour, ici, il y a des gars qui refont la cour, donc, qui nous font la cour. Notre cour est détruite. Ça va faire 3 ans à Saint-Jean à peu près qu'on habite ici. Très heureux d'avoir changé de vie. C'était vraiment, je suis très heureux de notre quartier puis de notre immeuble et tout ça. D'ailleurs par rapport à l'immeuble, une autre affaire, on en reparlera tantôt. Donc c'est ça, il y a eu une excavation ici. Vous avez suivi ma page Facebook. Donc l'année passée et l'autre d'avant. On a fait creuser le sous-sol dans lequel je me trouve. Ici, où est-ce que je suis assis présentement, il n'y avait rien. Là. Je serais dans terre là, présentement. Fait qu'on a fait excaver le sous-sol, 8 pieds à grandeur, gros job. Fait que ça a détruit la cour en arrière, tu sais. Puis là, l'été passé, on a fait faire la clôture en arrière, qui avait été détruite par l'excavation aussi, mais de toute façon, c'était cheap, on en voulait une plus solide. Fait que là, comme la dernière étape, une fois que toute cette destruction-là est passée, c'est de faire... la cour elle-même, parce que là, on était sa vase puis dans une cochonnerie depuis longtemps. Fait que là, on met des dalles à grandeur. Fuck le gazon, c'est fini le gazon. Moi, je veux plus jamais de gazon à gérer. J'en ai eu à mon ancienne maison de 2011 à 2017. Et puis, ça meurt, c'est compliqué, il faut arracher des mauvaises herbes tout le temps. J'ai pas rien que ça à faire. Et puis, notre cour ici est quand même pas mal plus petite que mon ancienne cour. Fait que on met des belles grosses dalles là, de... Aussi, notre auto peut stationner en arrière. Donc, quand on n'a pas de place à la rue, l'hiver, tout ça, on stationne en arrière. Une auto, c'est lourd, alors il faut mettre des plus grosses dalles qui payent 150 livres chaque et qui sont plus épaisses. Et puis, fait que tu mets ça. Puis pour le restant, vu que tu marches à pied, tu peux mettre des plus petites. T'sais, c'est un peu moins cher. Mais là, vu que notre cour n'est pas si grande, puis au lieu d'avoir deux sortes de dalles, deux motifs, c'est bien compliqué les dalles hein, en passant, là. Ben là, on a dit grosse dalle à grandeur. T'sais. Fait que ça va être bien propre. Là, moi, j'aime bien ça. Et puis de la verdure, on va en mettre. Là, on va se mettre des bacs à fleurs, des petits arbres dans des pots, je sais pas quoi, des lumières, des plantes grimpantes sur les murs. Tout est possible. Là, ça va être très chaleureux, mais au moins, la base n'est pas de gestion. Quoique, il va falloir nettoyer la clôture et la vernir, la protéger. Il faut attendre un an. Et puis là, l'année prochaine, il va falloir faire la même chose avec les dalles. Il faut attendre un an aussi que ça vive, cette affaire-là. Mais c'est correct, c'est parfait. C'est finalement la fin là, des plus gros travaux là, ici là, pour vivre. Là, t'sais. Un jour, il y aura les appartements à faire en haut. Un jour, le toit, va falloir checker ça. Mais là, on est steady. Toutes les grosses jobs vont être passées. Fait que c'est ça. Les gars, ils travaillent dehors, puis tu sais ce que c'est. Là, ils arrivent avec les dalles. Là, c'est vraiment pas la même couleur qu'on avait checké au magasin. Pourtant, c'est le même code. Là, OK, on change-tu, on veut-tu ci, on veut-tu ça. Ah, mais là, les dalles en dessous de la galerie, on peut pas en mettre des grosses de même, il faut en mettre des petites. Est-ce que tu veux ce modèle-là, cette couleur-là? Veux-tu les mettre de cette façon-là, de cette façon-là? Il y a des racines de chaque côté des arbres qui nous empêchent de rendre les dalles jusqu'à côté d'une clôture. Fait que là, on met-tu du galet de rivière? Là, il y a une patch. Tu veux qu'on fasse ça comment, la patch? Là, ici, cette dalle-là est bizarre. Tu sais, ah oui, on va la retaper à la fin. Ah, by the way, on a pété aussi le loquet de la porte. On va vous en racheter un autre. Tu sais, des travaux, c'est ça. Là. C'est beaucoup de décisions de dernière minute. C'est comme, OK, vous aimez plus les dalles. C'est pas ce qu'on avait commandé, mais c'est rien que ça qu'il y a. Voulez-vous qu'on les mette ou non? Je suis comme, ben là, je sais pas. Là, je paye 12 000 piastres. C'est comme, pff, OK, mais allez, Chris, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y en avait pas d'autre. On avait choisi une autre affaire. Je suis comme, bon, ben mets ceux-là en place. Le gars, il appelle. Il y en a juste deux palettes, finalement. Sinon, on finit les travaux en fin juillet. Je suis comme, ben... Non, là, mais celle-là, d'abord, là. C'est pas dégueulasse, là, c'est très joli, mais c'est juste que c'est vraiment pas aussi intense que ce qu'il y avait en magasin dans la salle de démo, tu sais. Fait qu'ils vendent du rêve, là, les compagnies de dalles dans les salles de démo, là. Check. Allez voir les dalles dans le cours, allez pas voir les dalles dans la salle de démo. Fait que cela se passe, en même temps que le confinement et tout ça, et que tout le reste. Et aussi... Depuis janvier, je parle immobilier. Depuis janvier, on s'est dit, hey, on va briser notre hypothèque, on va checker qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, avec Desjardins, ce qu'ils nous proposaient, c'était pas intéressant. On a checké avec Multiprêt à fin janvier le processus. Là, ça me prend 10 000 papiers, moi, vu que ma vie est compliquée. Pour l'arcade, pour le magasin. Là, le magasin n'existe pas depuis assez longtemps. Il n'y a pas deux rapports d'impôt de fait. Fait que là, on peut juste tenir compte de la première année. L'arcade est fermée présentement. Fait qu'on tient compte juste de ça, mais on tient pas compte des 5 années d'avant qu'elle a été super profitable, tu sais. Fait que là, c'est comme un combat de papier, là, pis de téléphone, là, pour prouver à ce monde-là que je suis pas cassé, genre, que je serais pas capable de payer ma maison l'année prochaine, là, tu sais. Fait que ça a chié avec Multiprêt, ça a fini par pas marcher. Donc, on était down, on a communiqué avec Hypotheca, comme j'en ai parlé à mon dernier épisode. Ça a très bien été. Le deal allait se conclure... On était mercredi et on passait chez le notaire virtuellement vendredi. C'était fait, là. On allait chez TD, tout. Puis là, Desjardins m'ont rappelé, notre conseillère financière, avec qui on est avec Desjardins depuis super longtemps, tu sais. Et puis, la caisse populaire Desjardins de Beauce-Centre. Donc, nous, on vient de Saint-Joseph-de-Beauce. C'est la caisse du village. Et puis, nos parents, à moi et ma conjointe, font affaire là avec la même personne depuis toute leur vie. Moi et ma blonde, on fait affaire là aussi pour certaines choses depuis toute notre vie. Fait que, tu sais, la legacy familiale de nos familles est dans cette caisse-là, tu sais. Fait que là, quand on fait un move de même, c'est comme... Ils ont finalement allumé qu'on s'en allait, là, tu sais, parce qu'ils ne me proposaient pas un bon deal quand j'avais parlé avec eux en janvier. Mais c'est ça, le mercredi à M-Poke, Puis là, elle me dit, ah, mais là, ce qu'ils vous offrent, tu sais, on peut vous offrir la même affaire, là, tu sais. J'ai comme, ben là, ouais, mais les taux, ils ont changé depuis décembre. J'ai comme, ah ouais, étrangement, parce qu'en décembre, moi, quand je parlais à Multiprêt puis à toi, vous alliez tous me dire que ça allait monter. Puis là, ça a descendu, apparemment, tu sais. Fait que là, notre courtière, je me sens super mal, courtière hypothécaire de Hypothéca a travaillé, est allé à la guerre, tu sais, pour convaincre TD à Toronto qu'on n'était pas des bros, puis que d'aller voir plus loin que les chiffres sur le papier, tu sais, puis de comprendre notre situation. Puis elle a réussi à faire le deal, puis toute la patente, puis elle a closé ça, puis on était contents, tu sais, le taux d'intérêt et tout. Et puis là, finalement, Desjardins nous offre un meilleur deal, drette à la dernière seconde de même. Puis là, on va accepter, là, on va prendre le meilleur deal, là, même si là, je me sentais mal, tu sais, là, je communique avec la courtière, c'est comme, écoute, je sais tout ce que t'as fait, puis ça fait des semaines qu'on est là-dessus, puis ça roule, puis on a eu plein de conférences, téléphones, merci, tu sais, comme, puis elle nous offre aussi un boni parce qu'on fait affaire avec elle, qu'elle a bonifié deux fois, tu sais, puis tout, puis elle nous donne beaucoup, puis elle a vraiment travaillé fort, puis elle était tout le temps là au téléphone, prête à répondre à toutes nos questions, puis finalement, on la choke, drette de même, tu sais. Oh my God. Fait que ça, c'était pas le fun. Ben, tu sais, en même temps, c'est professionnel, là, tu sais, c'est froid, mais c'est comme ça, ça fait partie de sa job aussi de lender des deals et puis d'en perdre. Mais c'est ça, tout ça, c'était quand même des discussions. Moi, j'étais au parc avec mon plus jeune, j'ai au téléphone, ouais, 0.4%, les marges, OK, on paye pas ça, mais là, si on prend notre marge hypothécaire puis on la remet sur l'hypothèque, tout ça, en lançant un frisbee, tu sais, parce que mon jeune est confiné, tu sais. Tout en même temps, tout le temps, là, c'est malade, là, c'est malade. Fait que c'est ça. Puis là, ben, on est avec Desjardins, plus besoin de payer un notaire pour faire ça. Fait que, mais il avait déjà fait la job. Alors, sur le 1100 qu'il nous chargeait pour faire la job, ça nous a quand même coûté 680$. Fait que là, on pitch ça dans le feu, 680$. Donc, voilà. Mais bon, quand même, il faut voir ça de façon à ce que tout ce qu'on économise en changeant l'hypothèque, puis tout, tu sais, on gagne au final. C'est une petite perte sur le portrait global. Mais tu sais, ça fait chier quand même. Fait que, cette affaire-là aussi a été très présente là, dans notre vie au cours des trois... Depuis janvier, tu sais, carrément. Mais là, à soir, on a un appel avec Desjardins à 7h30, puis on va finir, final, de closer ça. Puis là, tu sais, notre clôture ici... pas notre clôture, notre cours. On la faisait... on la payait avec des fonds qu'il y a sur notre marge à tout hypothécaire Desjardins. Mais là, quand Desjardins, avant qu'on se reparle, ils ont vu qu'il y avait du mouvement, puis que TD parlait, tout ça, ils ont comme gelé notre marge hypothécaire, tu sais. Puis on avait juste accès à genre 5 000$, là. C'est comme, wow, wow, wow, là. On voulait de l'argent là-dedans, nous autres, pour payer nos gars qui finissent la job vendredi, là. Geler pas nos fonds, là, tu sais. On peut le payer avec notre argent en attendant, là, mais quand même, tu sais, comme, là, tous nos fonds étaient gelés, c'est comme, Fait que, ben, des téléphones. Et puis, quoi d'autre dans le bordel qu'est notre vie? Un peu, là, j'ai pris des notes. Oui, Arcade MTL va réouvrir, j'imagine, je pense, peut-être. À ce que je comprends, il faut être en zone jaune pour réouvrir. Puis ça, ce que la zone jaune est annoncée, ben là, hier, aux nouvelles, ils ont dit que la zone rouge continuait une semaine de plus à Montréal puis à certaines places. La zone rouge continue une semaine. Là, je sais pas trop qu'est-ce que ça implique, là, qu'est-ce qui va se passer, parce que moi, sur leurs documents qu'ils ont publiés, je voyais zone jaune, Montréal, 14 juin, lundi 14 juin. Donc, techniquement, l'arcade va ouvrir à partir de là, dans la même formule que l'année passée, soit, mais là, ils n'en ont pas parlé encore, mais j'imagine que ça va être ça, à capacité de 50%, 2 personnes par table, et puis on ferme à minuit, tu sais, c'était ça l'année passée. Là. Fait que j'imagine que ça doit être ça pour le 14 juin. Mais là, on n'ouvrirait pas un lundi, on ouvrirait peut-être un jeudi, quelque chose de même. Mais là, s'ils repoussent, tu sais, je sais pas, là, tu sais, que ça donne. Mais il faut qu'on se prépare quand même. Fait que là, on n'a plus d'employés. En fait, il nous en reste deux. Notre gérante a sacré son camp il y a quelques mois, tu sais. Puis je les comprends, tu sais, comme tout le monde, tous les serveurs, serveuses, tout le monde qui travaille dans la restauration et le service, les bars, tout ça, Tout le monde a sacré son camp. Ils ont tout besoin de travailler. Là, fait que c'est vrai ce qu'ils disent, il n'y en a plus de main-d'œuvre. On fait des annonces. Pour la même annonce que j'aurais faite, tu sais, moi, besoin d'un, en temps normal, je fais une petite annonce sur notre page Facebook, l'arcade, besoin d'employés, j'en reçois genre 30. Là, puis, fait que j'ose même plus en faire ailleurs parce que j'en ai assez. Là. Ça, c'est sans compter les contacts de monde. Là, je fais une annonce, je reçois 4 CV. Fait que là, je suis comme, ouais, je vais sur la page Facebook de Staff Resto Bar Montréal, qui est une grosse page de quand tu te cherches du monde, tu peux publier là-dessus. Mais j'osais même pas le faire parce que normalement, j'en avais assez. Là, je publie là-dessus. J'ai reçu 2 CV. Là, je suis comme, hey, on va travailler. Fait qu'il nous reste 2 employés, au moins, qui ont de l'expérience, qui ont déjà travaillé pour l'arcade là, depuis un bout, et ce, bien avant la pandémie, qui ont travaillé la pandémie l'année passée, fait qu'ils savent un peu comment rouler ça. Mais, tu sais, on n'a plus de gérant pour montrer la job. Au moins, ces gars-là peuvent un peu la montrer. Puis on a une troisième personne qui est très peu disponible, qui nous reste, là. Fait que là, est-ce qu'on a besoin d'un gérant? On se pogne-tu des employés? Il va falloir les former? C'est un casse-tête, là, tu sais. Puis les gens, on les rencontre virtuellement, comme ça, les 4 propriétaires avec les candidats. Fait que là, mais là, on a comme 8 CV, 8 personnes à rencontrer, peut-être, là. Fait que on va espérer qu'il y ait du monde là-dedans, que ça marche. Mais c'est ça, en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on offre, tu sais? Je suis comme, ben, on va être ouvert probablement du... fermé le lundi, ouvert les autres soirs, jusqu'à... T'sais, c'est pas payant, là, c'est normal, là, la place, elle sera pas pleine, là, mais ça va être un work in progress. Là, t'sais, fait que, j'espère qu'on va se trouver des employés qui sont pas, là, mettons, stressés par le cash tout de suite et puis qui vont vouloir juste travailler dans une belle entreprise qu'est la nôtre. Puis ça va vraiment être un revival là, de l'arcade, là, carrément. Là, on est tous rouillés là, un peu. Là, comme, wow, j'étais allé hier, prendre des mesures et puis... ça fait juste drôle d'être sur place, là, tu sais, là-bas. Mais on sait pas trop, là, comment ça va aller. Là, les terrasses ouvrent ce vendredi, fait que ça va donner le coup d'envoi pour la restauration un peu et tout. Donc, on va voir, là, tu sais. We'll go with the flow, encore une fois. Mais au moins on peut réouvrir, puis, tu sais, comme on va essayer, là, de s'organiser là-dedans, là, tu sais. Ça vaut pas tant la peine de réouvrir non plus parce que là, on a des subventions pour le loyer auxquelles on n'a plus droit une fois qu'on a on peut réouvrir. Mais ça, on voulait vérifier parce que on est aussi bien de rester fermé jusqu'en septembre puis avoir les subventions qui couvrent 90% du loyer puis de rouvrir convenablement quand ça sera... t'sais, on pourra remplir la place puis avoir du fun, là, t'sais, mais en même temps, si on n'ouvre pas, on perd ces subventions-là. Fait que... Ben bref, on les perd, on ouvre. On n'y a plus droit à partir du moment qu'on peut ouvrir. Fait que on va ouvrir, là, tu sais. Puis on va voir qu'est-ce qu'il faut. Gorgée de café. Ah, puis je vais m'étirer un peu aussi. Moi, je vous déballe tout ça, hein. Je fais juste. Là, j'étais en train d'écrire mon post, j'avais pris des notes. Je vous explique tout ça. C'est ça va parler de jeux vidéo aussi tantôt. Inquiétez-vous pas. Fait que on veut ouvrir en faisant quand même un petit boom avec un petit quelque chose de spécial. Fait que là, j'étais à la recherche d'un type d'arcade très précis que j'aimerais qu'on acquière à prix raisonnable. Et puis, j'aimerais qu'on puisse ouvrir avec ça. Et puis, ben tu sais, ça va être une ouverture graduelle. On va ouvrir soft quand on pourra. Et puis, je pense qu'en septembre, quand les 2 doses vont être administrées, quand on sera plus obligé de porter un masque, puis que, tu sais, la vraie vie, entre guillemets, est supposée reprendre, d'après le gouvernement, ben là, on veut vraiment faire un vrai beau party de réouverture, puis la grosse affaire, puis relancer les tournois, puis toute la machine, tu sais. Fait que d'ici là, je pense que l'été va être so-so, là, tu sais, ça va être relax, tu sais, ça va être juste bien. Comme l'année passée, c'était quand même bien, on avait fait un tournoi Smash l'année passée avec les masques et tout, puis les gens étaient respectueux, ça a été une belle soirée, ça finit à temps, minuit, tout, donc... on va avoir du fun, mais de la minute qu'on peut réouvrir les valves, là, ça va y aller en tabarnache. Fait que j'essaye de lender ça, cette arcade-là, là, c'est bien excitant. Je pense que ça a bien des chances de marcher. Si on l'a, ça va demander une reconfiguration quand même du plancher en dedans. Il va falloir sortir des machines. On a beaucoup de problèmes avec notre Sunset Riders 4 joueurs. On a le plus petit format, mais l'écran, il ferme tout le temps. Là. Il est fatigué, il y a un bug là-dedans. Fait que, ça se peut qu'elle sorte, malheureusement, et puis qu'on doive essayer de trouver la solution. Je sais que NBA Jam est sorti aussi en entreposage. Je pense qu'on devrait la remettre. C'est quand même une Christie de belle machine. Là. On l'avait sorti parce que les gens jouaient pas tant. Fait que peut-être qu'on peut sortir Super Contra à place, que j'aimerais beaucoup mettre dans le sous-sol ici. Là. Je l'aime, moi, cette machine-là. Je joue beaucoup. Mais c'est ça, là. C'est des choix déchirants pour le choix des machines à l'arcade. Fait que c'est ça. Donc, à cela s'ajoute là, tout le processus d'ouverture de l'arcade. Fait que ça fait pas mal le tour des affaires qu'il faut que je me plaigne de par rapport à ma situation des trois dernières semaines. Mais c'est tout bien, là. Je veux dire, la cour va être faite, l'hypothèque va être réglée, RetroMTL a acheté des tonnes de jeux, c'est notre deuxième anniversaire, il va se passer des choses, l'arcade peut réouvrir, tu sais. L'école va finir aussi pour les enfants, ça va nous alléger beaucoup quand même. Mon plus vieux, il a besoin qu'on le surveille un peu au niveau de ses devoirs, puis tout ça, puis que ça prend beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de maths avec lui pour l'aider avec des trucs qu'il comprenait moins bien. Donc, tu sais, c'est un adolescent, hein? Il s'en vient là. Puis, même s'il va avoir 13 ans dans 2-3 semaines, je trouve qu'il est déjà deep dans l'adolescence, mettons, là, tu sais. Fait qu'il y a bien des tensions à la maison à dealer avec, puis je m'attendais pas à ce que ça vienne si vite que ça. C'est fou, tu sais, au niveau des enfants, chaque âge vient avec son défi, puis je me serais, tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, bah, l'adolescence, tu sais, ils sont grands, là, tu sais, on n'a plus trop besoin de s'en occuper. Mais là, ça devient comme un mind game, tu sais. Puis là, ça devient... Là, c'est autre chose, là, tu sais. C'est la négociation, des cachotteries, des affaires compliquées. Fait que c'est plus comme traîner un porte-bébé puis préparer des collations, là, puis amener des couches, là, tu sais. C'est très physique, des petits-enfants. Puis plus qu'ils grandissent, là, ça devient psychologique, là, tu sais. Puis je trouve ça éprouvant, là, le ton lève ici, là. Des fois, c'est la guerre dans la maison, là, c'est... Pas évident. Là. Disons quand la COVID va finir, puis ils vont pouvoir. Si je pouvais inviter plein d'enfants ici, là, venez jouer avec mes enfants. Là. Venez-vous-en, tout le monde ensemble, jouer, tu sais. Ça serait tellement plus facile. Là, tu sais. Je rêve à ça. Là, tu sais. Parce que sinon, c'est nous qu'il faut qu'ils entertain, puis c'est nous qu'il faut qu'ils gèrent le temps d'écran. Tu sais, ils socialisent beaucoup via les jeux vidéo aussi, plus vieux. Fait que ça fait beaucoup de jeux vidéo. Fait qu'il faut contrôler ça. Fait que c'est pas évident. Là, tu sais. Fait qu'on est beaucoup là-dedans. Voilà. Je veux parler aussi d'un concours. Ah, j'en ai parlé à Rétro Nouveau. Hein? Rétro MTL fait un concours avec Pixel, microbrasserie Pixel. Donc, il va avoir un... attendez. Il y a un concours... voyons. Ressources ici. Je veux juste me souvenir. Excusez, j'ai oublié le nom de la place que ça va se passer. Oui, au dépanneur La Ressource, le commerçant de bière spécialisé La Ressource à Boucherville, il y aura une boîte concours dans laquelle, si vous achetez un 4-pack de Pixel, vous aurez une chance de gagner un 100$ à dépenser chez Retro MTL. Donc, c'est une belle jolie boîte de concours que j'ai fait moi-même. Et puis, que Étienne de Pixel a assemblé. La boîte va être là-bas. C'est bientôt. On va l'annoncer sur la page de RetroMTL. Et puis, c'est ça. Puis, cette boîte-là risque de se promener un peu partout chez les magasins spécialisés de bière. Donc, je trouve ça le fun. T'sais, ça marche ensemble. C'est de la visibilité pour le commerçant, pour RetroMTL, pour le brasseur. Donc, c'était vraiment un beau petit concours, là, simple et efficace. Donc, si vous êtes à Boucherville, dans ce coin-là, pognez-vous un beau pack, 4-pack de bière, de Pixel. Et puis, d'ailleurs, il y en a une nouvelle là, qui va sortir bientôt. Étienne m'a dit, je ne peux pas en parler, mais ça va être différent, mettons. Ça ne sera pas une autre IPA, ça va être un style bien différent, je pense, appréciable, surtout l'été. Donc, surveillez ça. Ça va être pas mal le fun. Aussi, hey, à matin, là, quand je vais raccrocher ici, Fred il travaille quelque chose avec une certaine personnalité du monde des jeux vidéo. Et puis, je pense que c'est un deal qu'on va closer sous peu. pour Retro MTL. Alors, on est bien excités de ça. Ça va être, on va pouvoir offrir de quoi de vraiment nice pour vous. Alors, surveillez ça aussi. Ça se passe là, là. Fait que, parlons un petit peu plus jeux vidéo maintenant. J'arrive pas à croire que j'ai déballé tout ça en 34 minutes. Je pensais que ça allait durer 2 heures, juste comme tout le bordel de ma vie. Mais ça va bien, on lâche pas. J'ai écouté au complet la dernière série, la dernière saison de la série Castlevania sur Netflix. J'ai adoré ça. Moi, j'ai tout écouté. Il y a des saisons que j'ai trouvé que c'était un développement vraiment long. Où est-ce qu'il y a une installation qui se fait tout le long de la saison, puis là, toute l'action est dans le dernier épisode, tu sais. Je sais qu'il y a des gens que ça turn off bien raide. Moi, personnellement, ça me va. J'aime les... tu sais, le blabla est intéressant. Les personnages sont intéressants. Tout est deep quand même. Donc, moi, ça m'a pas fait décrocher du tout, ça. Par contre, c'est vrai que des fois, j'aurais souhaité qu'il y ait un peu plus d'action dans certaines saisons précédentes. Mais là, la dernière saison, il y a de l'action. On aime voir Alucard, Trevor et Sypha ensemble combattre. T'sais, tout le monde parle de la fameuse scène dans le château de Dracula avec la musique qui a sauvé un peu. Il y a bien de l'action dans la dernière saison. Vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de personnages. Je sais qu'il y en a que ça perd un peu et que ça fait perdre l'intérêt. Je trouve qu'il y en a aussi beaucoup. T'sais, il y a Isaac et puis il y a... Trevor, ils sont d'une place, Alucard est à une autre place, il y a Saint-Germain, il y a beaucoup de choses, là, mais il y a des vampires, il y a Carmilla, tout ça, les vampires, mais tout tie-in un peu d'une certaine façon dans la dernière saison, et puis ça laisse quand même de la place aussi à, de la façon que ça finit, moi je trouve, à d'autres choses, et puis à des prochaines saisons, et c'est très excitant. Donc, si vous avez aimé la série, si vous avez décroché, là, je vous dis, retournez vous raccrocher où est-ce que vous étiez. Finissez ça, et puis lâchez pas. La dernière saison est vraiment payante là, au niveau de l'action et tout. Là. C'est vraiment... j'ai vraiment apprécié, j'ai dégusté ça, là, j'ai mangé ça là, comme un hot dog steamé. Là, ça a passé en 2 secondes. Très, très, très bon. Sinon, présentement, je joue... à Carry On sur Switch, ils appellent ça un reverse horror, je pense, où est-ce qu'au lieu d'être le bon qui se bat contre la bébite, t'es la bébite qui mange les bons, et puis t'es une espèce de grosse flaque de dents et de tentacules qui s'échappent et puis qui se promènent dans les conduits, puis dans une genre de base dans laquelle j'imagine faut que tu sortes, là, t'sais, puis tu... Bruno, il en a parlé à Retro Nouveau, vous irez voir du gameplay. Donc, il y a de l'action en haut. Bon, ça a l'air correct. Donc, il y a bien... c'est intéressant. Moi, c'est le jeu de Devolver, tu sais, comme... tout ce que Devolver décide de publier, c'est tout le temps... tout le temps comme des jeux fuckés, violents, pis tout. Moi, j'aime ça, tu sais. J'aime ça qu'on soit une affaire de même qui mange le monde, là. C'est juste... une abomination, tu sais, qui se promène, pis qui hante les autres. Un peu comme Alien, d'une certaine façon. Je sais pas trop comment le dire. T'sais, tu te promènes, puis tout ça. Fait que je trouve ça bien intéressant. Je savais pas comment ça allait être, ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses vraiment? Mais c'est beaucoup de petits puzzles, dans le fond. L'action elle-même, c'est pas de l'attaque de gens tant que ça. Là. C'est d'ouvrir des switches, dropper un peu de ta masse pour être plus petit, pour passer à d'autres places qui te permet d'avoir un... t'sais. Mais tu développes des skills aussi, ta bébite est capable de faire bien des affaires de plus, tu sais, en avançant dans le jeu. Donc ça, c'est bien intéressant aussi. Tu peux contrôler des humains, fait que tu te mets à jouer l'humain à certains moments dans le jeu. Donc ça, c'est très nice. C'est pas ce que j'appellerais un Metroidvania, même si ça emprunte certains aspects de... Et puis, c'est pas un jeu qui me met, tu sais, comme « fuck, j'ai hâte de m'y remettre », là, tu sais. Mais j'ai hâte de m'y remettre quand même. J'aime ça. Je pense pas que je dois approcher de la fin, là. Je pense que ça doit pas être hyper méga long, ce jeu-là. Un peu répétitif. Il y a pas de map, donc tu peux pas peser sur « select » et voir ta map. J'aurais peut-être souhaité ça, parce que des fois, j'ai de la misère un peu à comprendre où est-ce que je suis puis où est-ce qu'il faut que j'aille, mais je me suis retrouvé quand même là souvent. Fait que on se perd pas tant que ça. Mais il me semble qu'une map, ça l'aurait faite dans un jeu de même. Là. Fait que voilà, très intéressant. Sinon, je joue aussi par segment à Scott Pilgrim avec mon plus jeune. Et puis, c'est quand même plus difficile que je pensais, ou du moins, je trouve que c'est long avant de débloquer des moves à Scott Pilgrim. Tu commences avec rien, puis tes moves, tu les débloques en level up plus que tu avances dans le jeu. Et puis, c'est un peu à la River City Ransom où est-ce que tu rentres dans des shops et puis tu manges du stock que tu peux te payer avec l'argent que tu ramasses en battant du monde. Donc, tu farmes ton personnage comme ça, tu fais booster tes skills. Et puis, mais je sais pas, man, il y a de quoi dans le jeu que je trouve moins frénétique ou moins intense que certains autres beat'em up, tu sais. Il n'y a pas de dash. Oui, il y en a un. Mais les personnages, ils marchent lentement. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse pogner un personnage. Peut-être que ça va venir plus tard, juste le basher pendant que tu le tiens. Mais là aussi, tout le temps, quand tu as un personnage à terre, tu le ramasses, tu sais, puis tu le frappes avec les autres. Tu le frappes, tu le tiens dans tes mains comme une planche, puis tu tapes les autres, tu sais, ce qui est très River City Ransom. Mais j'aime pas ça, faire ça. Puis ça se fait tout le temps par défaut, hein, parce que t'es au-dessus d'un bonhomme. Je suis comme, ah, je veux pas le tenir, tu sais, je veux le pitcher, lui. Fait que c'est très hommage à River City Ransom. Mais, tu sais, ça me fait pas capoter, là, je dirais. Tu sais, je vais continuer, je veux essayer de le finir, puis il y a des bouts quand même assez tough. Mais je suis pas emballé. Là. C'est un très bon jeu, très beau, la musique, tu sais, tout ça. C'est un très beau package, là. Mais je m'attendais à triper plus que ça, tu sais, pour être franc. Et puis, mais c'est ça, ton personnage aussi, tu sais, comme tu as une map, une overview, que tu peux te promener dedans, retourner faire les autres niveaux. Fait que tu peux farmer tes personnages, là, en masse. Mais tu sais, mettons, si je compare à River City Girls, tu sais, je trouve que River City Girls, il est comme nettement supérieur à ce jeu-là pour la même mécanique et les mêmes choses, là. Vraiment, vraiment meilleur. Mais tu sais, on va leur donner une chance, là. Scott Pilgrim s'est sorti il y a très longtemps. River City Girls, ça vient juste de sortir. Donc, bien sûr, le style évolue. On prend tout le temps le meilleur de chaque jeu dans le fond au style de River City, puis on bâtit avec ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que Tribute vont faire aussi avec les Turtles. Je me demande s'il va avoir, ça va être ça un peu. Ben, je suis pas tout à fait sûr, ça va peut-être être plus arcade complètement, mais c'est ça. Donc c'est un bon River City, tu sais, mais je suis pas on board là, 100 000 à l'heure là-dessus tant que ça, pour être franc. Sinon, je joue aussi à... Je me suis parti une game de Skate or Die 2. C'est quand même pas compliqué de se rendre au quatrième et dernier niveau. Mais ce dernier niveau-là est un maze incroyable de 4 étages où est-ce qu'il faut que tu trouves l'escalier, monter au deuxième, monter au troisième. Puis là, quand tu es rendu au quatrième, tu vas à une autre place pour redescendre à l'autre. Puis là, tu redescends à l'autre. Puis là, tu retrouves un autre escalier pour remonter. Man, c'est un... Il n'y a aucune indication. Tu sais, c'est vraiment... dégueulasse comme façon de perdre le joueur. Et puis, je pense qu'il y a un permis qu'il faut que tu trouves à terre. Tu sais, j'imagine même pas comment c'est possible de finir ce jeu-là. Tu sais, oui, je sais comment c'est possible. Il faut que tu prennes des notes sur un papier. Chaque étage a une couleur. Gris, bleu, vert, rouge. Fait que là, mettons, t'écris, bon, tu commences dans gris. Fait que là, chaque screen a certaines directions où tu peux aller, en bas, à gauche, à droite, en haut, tu sais. Fait que là, mettons, tu commences gris, tu fais en haut, gauche, en haut, bas, tu sais, comme pour trouver l'escalier. Puis là, ben ça, tu montes d'un étage. OK, maintenant, dans bleu, tu fais droite, droite, haut, A. Tu sais, tu notes tout ça, là, dans le fond. Puis c'est test-erreur, jusqu'à ce que tu trouves la séquence. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ça se pourrait très bien que je décide d'aller sur YouTube puis de voir quelqu'un qui l'a fait par cœur puis de juste noter sa séquence puis de le faire, tu sais. Ça serait-tu tricher? D'une certaine façon, oui. Par ailleurs, je me dis, c'est pas une affaire de skills, c'est une affaire de temps. Et je n'ai pas le temps. Tu sais, si je sais où aller, m'a le faire. C'est sûr que si tu m'assois avec ce jeu-là pendant une semaine, m'a y arriver, là. Mais j'ai pas une semaine à mettre. Mais j'aimerais vraiment le finir quand même. Fait que ça se pourrait que je fasse ça. Sinon, je joue aussi à G.I. Joe. All-American Hero, donc la pochette blanche sur NES. Et puis, je suis rendu au dernier niveau. Je me suis rendu au boss de fin. Et puis, le boss de fin, Cobra Commander, il est d'un bord, il te lance des grenades, puis de l'autre bord, il y a une espèce de canon que quand il touche, tu te transformes en lézard, là, tu sais. Fait que j'ai essayé de péter ce canon-là, j'ai tout mis mes efforts là-dessus, puis on dirait qu'il peut se péter, mais je suis mort ce faisant. Fait que je vais aller voir sur YouTube aussi si quelqu'un réussit à le péter, là, que je perde pas du temps. Parce que quand tu meurs au boss de fin, il faut que tu refasses toute la séquence de niveau d'avant, qui est une espèce de labyrinthe, où est-ce qu'il faut que tu mettes des bombes partout. Très pénible. C'est ça. J'aime beaucoup ce jeu-là, mais les segments de ce jeu-là, où est-ce qu'il faut que tu marches, puis que tu trouves des murs cachés, puis des planchers cachés pour aller mettre les bombes, puis tu as un temps pour le faire, ça vient moins le fun avec le temps un peu. C'est vraiment un cool jeu, mais ça me plaît moins, là, pour être franc. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai joué à Tanuki Justice pas mal. Vous pourrez écouter mon review, ma critique rétro nouveau. Et puis, mais sérieux, je joue pas tant que ça ces temps-ci. Je suis trop brûlé le soir, puis j'ai pas la force mentale de me lancer dans des gros jeux. Là. Je veux que ça soit simple, léger, puis Carry On fait cette job-là pour le moment, tu sais. Fait que sinon, toutes mes autres consoles rétro sont pas mal sur pause. Ma NES est branchée sur la télé du haut. C'est ainsi que je peux y jouer quand personne n'utilise la télé du haut. Mais je pense que je vais faire une rotation. Là, je vais finir mes jeux, là, peut-être, puis je vais la redescendre en bas, puis là, je vais monter ma Super NES. Fait que là, je vais pouvoir jouer plus à la Super NES un peu. Après ça, je ferai Saturn. T'sais, chacun son tour. Elle va monter en haut à la lumière du jour. Puis là, j'y aurai accès un petit peu plus, tu sais, mais... Pour être franc, présentement, ça, j'ai moins le goût de gamer, on dirait. Vraiment. Il y a des phases de même, tu sais, ça te tente plus. Puis c'est correct, là. J'ai comme le goût d'aller dehors, j'ai comme le goût de vider mon esprit un peu, là. Je sais pas. Ça fait beaucoup de jeux vidéo, là, tu sais. Chez Retro MTL, il y a beaucoup de jeux vidéo là-bas. Fait que c'est ça. Par contre, gorgée de café. Il s'est passé quelque chose hier. Alors que je regardais une batch de jeux de Super NES qu'on venait de recevoir, j'ai décidé de garder les jeux de Beauty and the Beast et puis The Addams Family au Super NES pour ajouter dans ma collection. Parce qu'on dirait que je me dis que je m'en fous de ces jeux-là, mais j'ai peut-être envie de commencer à garder tous les jeux que je vois qui nous passent entre les mains qui valent plus que 30$. Comme ça, je sais pas, tu sais, je bâtis un genre de set tranquille. Sans me dire, vite, faut que j'achète les gros morceaux qui manquent, quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est comme sur plusieurs mois, années, je sais pas. Je peux peut-être me bâtir un petit set de Super NES, là. Ça a fait sur le slide de même, là, tu sais. On dirait que le fait que j'ai décidé de garder ces deux jeux-là, qui vont venir, entre guillemets, polluer ma collection Super NES, qui est comme parfaite à mes yeux, qui est juste du bon stock. Je pense que Beauty and the Beast, c'est pas si pire, je pense. Mais Addams Family, c'est sûr que ça va être pourri, ça, j'imagine. Fait que le fait que je commence à peut-être polluer ma collection avec des sous-jeux qui sont mauvais, mais qui valent 30$ et plus, mais qui vont être très mines, parce que ça me tente pas de tout pogner des jeux scrap, de changer des bacs, puis de gosser. T'sais, je veux que la job de bras, elle se passe direct au départ, là, t'sais. Fait que je vous dis, si on n'était pas en COVID présentement, j'aurais pas eu des énormes pertes financières. J'aurais pu me permettre cette fantaisie-là de continuer, de peut-être entamer un full set de Super NES. Mais j'ai comme envie de le faire pareil. Fait que je le fais tranquille, tu sais, comme ça. Sur le side-là, personne ne check. Je suis comme, oh, je vais prendre des jeux. Parce que je trouve ça beau, moi, d'avoir un full set NES, Super NES, Game Boy, qui sont mes trois consoles de prédilection préférées ever. De mon enfance et que j'aime, tu sais, comme quand, mettons, tu me mets une pile de cassettes, là, pile de jeux devant moi, toutes, là, mettons, un tas de jeux, là, mon œil va être attiré tout de suite vers les jeux de NES, Super NES, Game Boy, parce que c'est ça qui appeal pour moi, que je trouve beau, tu sais. Jeux de PS2, je m'en fous, là, tu sais. Fait que je trouverais ça beau avoir un full set de ces trois-là, et puis, that's it. S'il fallait que je choisisse là, les choses que je garde ici, il faut que je vende toutes, là, je garderais un full set de NES, Super NES, Game Boy et ma collection Switch parce que j'aime beaucoup la Switch puis j'aime y jouer. Tout le reste pourrait s'en aller. J'ai des beaux bibelots Atari et tout, puis j'aime ça, j'aime les avoir, je trouve ça nice. J'ai gardé juste le... le high-end puis les affaires vraiment top-notch, là, tu sais. Mais tout le reste pourrait bien sacrer le camp puis je serais correct avec ça, là, tu sais. Puis des fois, j'ai quasiment envie de le faire, tu sais. Mais non, je me garde, j'ai coupé tellement de branches de ma collection, tu sais. Là, ce que j'ai là, ça va. J'avais commencé à stacker les jeux de Atari Lynx en vue de l'adapteur qu'il va avoir avec la Neo Geo Pocket. Mais cet adapteur-là est toujours pas annoncé chez Analog, alors avoir les jeux en boîte, Sphinx, Lynx, des jeux qui ont l'air bons, tu sais. Je vais peut-être juste me pogner un Everdrive, là, Lynx, parce que ça existe, et puis l'adapteur, puis ça sera ça. Même affaire pour le Game Gear, tu sais. Moins d'objets, vraiment, puis beaucoup plus d'Everdrive, sauf que je vais ramasser aussi les jeux que j'aime pour les sortes de jeux que j'aime, tu sais. Fait que je suis là-dessus présentement. Mais j'ai pas d'argent à mettre, tu sais, comme. Je pourrais bien aller chez Retro MTL puis ramasser tous les jeux de Super NES qui sont propres et que je possède pas, puis me monter un gros bill puis pitcher ça dans mes tablettes. Mais là, j'ai pas. Je suis broke présentement. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à payer. Tu sais, moi, j'ai des notaires dans le vide à payer. Fallait payer les habits du collège privé de notre fils maintenant pour l'année prochaine. Là, les taxes s'en viennent, c'est 2500$. Il y a tout le temps de justice de dépenses. Fait que il y a trop de dépenses là, présentement. L'argent nous sort du site, il pleut de l'argent partout. Fait que là, il faut que je m'achète du linge en plus, là, un beau t-shirt de RDS jeux vidéo. Je me suis passé une petite commande H&M là, avec le restant de la famille pour m'acheter au moins une coupe de shorts cet été et puis des bas, des affaires. Me néglige tellement à ce niveau-là, ça n'a pas d'allure. Fait que je ralentis beaucoup l'achat de jeux présentement, s'il y a des affaires qui sont vraiment un must. D'ailleurs, j'ai trouvé quelque chose aussi de vraiment nice sur Facebook que je vais sûrement recevoir cette semaine. Je vais l'annoncer sur ma page Facebook. Ça, je suis très, très, très, très, très content. Et puis, certaines choses, tu sais. Mais sinon, comme l'achat de jeux, tu sais, avant, moi, j'étais comme, ouais, un jeu de NES à 400$ complet en boîte que je trouve nice. Moi, l'acheter, tu sais, je checkais pas trop. J'achetais, puis je revendais un peu, tu sais. J'étais comme tout le temps en mode achat pour ma collection, mais là, je veux ralentir ça un peu. Ce qui est très sain aussi, d'une certaine façon, n'est-ce pas? Faut faire attention à ça. Donc, la COVID, c'est pas simple. Ça me fuck la vie présentement, mais on va y arriver. Et puis, tout ça va rebalancer au final, puis on va prendre un break. Fait que j'espère que vous aussi, vous allez bien à la maison et que vous avez hâte à ce déconfinement qui se passe. Et puis, ouais, on va y arriver, là, vraiment, là, on s'enligne vers la fin. Là, quand Arruda parlait d'une quatrième vague, ils ont posé la question, je suis comme « Dude, c'est pas le temps de parler d'une quatrième vague, c'est sûr qu'il va y avoir des suicides si ça arrive, c'est pas le temps de parler de ça ». Fait que, voilà. Alors, il faut que je vous laisse. Il faut que j'aille finir du visuel pour payer des bills pour Retro MTL. Donc, voilà. Désolé si ça a été long avant des nouveaux épisodes. J'ai beaucoup à faire. Puis, c'est pas dit non plus que je vais avoir un épisode à chaque semaine encore pour les prochaines semaines. Je vais vraiment faire mon possible. Mais merci malgré tout de continuer à suivre mes projets et de me soutenir. Merci au Patreon, c'est très, très, très apprécié. J'ai pas été très actif non plus dans mon Discord pour jaser avec le monde. Jaser avec mes Patreons, je suis désolé, j'ai même pas le temps. Je prends même pas le temps de jaser à mes chummies sur les chats Messenger qu'on a. Je fais juste comme mes affaires, puis après ça, je me couche. Fait que voilà. Mais ça va, tout va bien, ça roule, on a du plaisir, tout est positif, c'est juste beaucoup de travail. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et puis à très bientôt, chers amis.